La chaleur plombe, mais je tiens debout, mes pas s'enfoncent dans l'histoire. Chaque dune est un secret, chaque silence une arme. Il n'y a pas de guide ici, seulement les ombres et le souffle, mais j'écoute et j'avance. Je suis rail de ski et j'apprends ce monde, pas pour des formes dans les sables, comme si le désert respirait avec moi. Se souvient de ceux qui marchent sans bruit.